sur la première seller d'Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, le Rwanda. La nouvelle ne s'est répandue que ce matin à Kigali. De l'attentat. Accusant les coupables tout désignés. À l'opération. Vive l'armée française, vive l'intervention française. La radio gouvernementale ne cesse de répéter depuis hier ce slogan. C'est une opération humanitaire conduite dans un temps limité. La France était prête sans attendre l'arrivée de la force des Nations Unies. Le régime qui massacre aujourd'hui a été aidé, soutenu, armé par la France. La Minuar avait été réduite à peau de chagrin au tout début du génocide. Les massacres des civils se poursuivent. Sous le nez des forces françaises qui étaient là précisément pour sécuriser. Les pays qui, un par un, avaient promis d'envoyer des troupes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces salauds? Les gens qui avaient besoin d'être sauvés, on se posait pas la question où tout, on prend qui, on prend quoi. Suite de l'entretien auprès de la journaliste Laure de Vulpian, auteur d'une première série de 15 heures d'émission sur le Rwanda en 2003 sur France Culture et auteur désormais d'une enquête intitulée « Silence turquoise » du nom de l'opération militaro-humanitaire engagée fin juin 1994 au Rwanda par le président François Mitterrand, opération turquoise. Votre récit « Silence turquoise » Laure de Vulpian, vous le faites démarrer dans un taxi avec une rencontre pas banale. Racontez-nous ça. C'était en 2004. Donc, c'est dans le sud de la France. C'était l'année du 10e anniversaire du génocide. Ouais. Mais c'était après, hein, le 10e anniversaire, c'est en avril. Là, c'était, si je me rappelle bien, en décembre. Donc, quelques mois après. J'avais pas lâché le Rwanda depuis le procès de Bruxelles. J'avais fait les 25 heures d'émission. En 2003. Voilà. Et donc, j'avais acquis une certaine connaissance, là. Je n'étais plus du tout une débutante. Et il faut dire en gros que vous aviez interviewé, pour ces 25 heures notamment, énormément d'acteurs, aussi bien politiques que militaires peut-être. Oui, déjà. quelques-uns, pas beaucoup. Côté français, côté belge. Côté rwandais. Voilà. Voilà. Donc j'avais vous une aviez vision un paysage d'ensemble. Voilà, tout à fait. Une compréhension du sujet qui était faite déjà. Et donc en 2004, en reportage à Nîmes, je prends un taxi pour me rendre au congrès du syndicat de la magistrature. C'était mon job du jour, hein, pour France Culture. Et je monte dans ce taxi et je demande au chauffeur de m'emmener à tel endroit. Et les chauffeurs de taxi engagent parfois volontiers la conversation. En province, ils sont beaucoup plus avenants qu'à Paris. Et qu'est-ce que vous faites? Je vais à un congrès. Ah, qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis journaliste. Ah, journaliste, quel beau métier. Vous voyagez beaucoup? Pas tellement. Vous êtes encore un métier qui fait rêver, hein, comme voilà. Hôtesse de l'air. Ou, voilà. Pas tellement, parce que je m'occupe de questions de justice, donc en fait, ça se passe beaucoup en France et tout et tout. Et le type me demande quand même, mais ça vous arrive de voyager? Je dis oui, un peu. Récemment, je suis allée au Rwanda. Et là, silence. Tout d'un coup, il reprend la parole et il me dit « Moi aussi, je suis allé au Rwanda. » Et quand ? En 1994. Ah bon ? Et comment ? En tant que quoi ? En tant que militaire. Ah, c'était ma première rencontre avec un ancien de l'armée qui était allé au Rwanda. Pour moi, c'était... Ça tenait de la providence. Providentiel, voilà. Oui. Absolument. Comment ne pas y croire. Voilà. Et donc, on a un peu parlé, juste le temps de la course, c'est ça qui est dommage, c'est que quand la course s'est arrêtée, la discussion s'est arrêtée aussi. J'ai pris ses coordonnées, est-ce que je pourrais vous recontacter? Oui, etc. Bon, je l'ai recontacté, il avait promis de me raconter des tas de choses, il ne m'a jamais rien raconté. J'ai découvert qu'il était légionnaire, et donc qu'il est effectivement intervenu dans Turquoise, mais voilà. Finalement, c'était stérile comme rencontre. Mais quand même, je pense que ça m'a conduite à me focaliser un peu sur les militaires français. J'y étais venue quand même, il faut rendre à César ce qui est à César, grâce au livre de Patrick de Saint-Exupéry, L'Inavouable. C'est lui qui, le premier, a, entre guillemets, levé le lièvre de Bicécéro et d'un rôle particulier de l'armée française dans Turquoise à ce moment-là du génocide. Ah ben vous allez évidemment pointer sur Bicécéro, dont les non-spécialistes vous avoueront tout à trac que ce nom ne leur dit rien, et pourtant c'est de ça dont il va être question. Mais avant qu'on y vienne, le livre, j'ai oublié de le dire, est co-signé, Laure de Vulpian, ça s'appelle Silence Turquoise, et vous avez un co-auteur, ça s'est écrit à quatre mains. Quel est donc votre comparse? Et qui est-il? Alors c'est Thierry Pregnaud. Et Thierry Pregnaud est un ancien de Turquoise, lui aussi, comme mon fameux chauffeur de taxi. Mais c'est un ancien de Turquoise beaucoup plus intéressant, parce qu'il a parlé, il parle encore, parce qu'il était là à un moment bien plus déterminant. Et en fait, Thierry Pregnaud est un ancien du GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. C'est assez prestigieux, le GIGN, c'est même extrêmement prestigieux. Il y a occupé la fonction notamment de tireur d'élite. Voilà, tout à fait, il a été tireur d'élite, et c'est à ce titre qu'il a été longtemps le sous-officier le plus médaillé de la gendarmerie. Ce que vous indiquez d'ailleurs dans votre ouvrage, pardon de vous interrompre, c'est, pour se donner un ordre d'idée, c'est être en capacité d'attendre plusieurs heures, pouvant aller jusqu'à 24 heures, immobile, entièrement concentré sur la cible à atteindre, avec l'engagement de ne pas toucher la cible pour l'éliminer, mais pour la blesser. Alors imaginez neutraliser en touchant à l'épaule, gauche ou droite, une personne, et en se focalisant, je pense quelle que soit la saison, pendant des heures entières. Voilà le bonhomme. Une capacité de concentration extrême. Une maîtrise de soi, certainement. Bon, mais il n'y avait pas que ça. Parce qu'il a été capable d'actions, par exemple à Marignane, la prise d'otage de l'Airbus d'Air Algérie au mois de décembre 1994, donc juste après le Rwanda, juste après Turquoise, il y est. Il est le premier à entrer dans l'avion, il tire, voilà, c'est vraiment de l'action. Il tire et tue d'un même geste quasiment trois terroristes, et le quatrième le blesse extrêmement grièvement. Voilà, ça c'est l'histoire de Thierry, qui ne se limite évidemment pas à ça. Mais donc, mon co-auteur, effectivement, est Thierry Pregnaud, adjudant au GIGN à l'époque. Et alors, sa particularité, c'est qu'il connaît le Rwanda en deux fois. Première fois, c'est en 1992. Le GIGN, c'est pas toujours des opérations extraordinaires, c'est aussi des séquences où les gendarmes en question font de l'instruction. Donc il y a des accords de coopération entre la France et le Rwanda, coopération militaire. Il n'y a pas d'accord de défense, mais des accords de coopération. Donc, des militaires français vont former des militaires rwandais, ou des militaires rwandais viennent se former en France. Et donc, en 1992, Thierry Pregnaud va passer 4 mois au Rwanda à former le futur bataillon d'élite de la garde présidentielle. Et ça, c'est pas rien. Côté gouvernemental, l'armée à majorité Hutu compte quelques 30 000 hommes dont le noyau très entraîné et bien armé a été complété par des volontaires. Une fraction importante de ces forces est constituée d'extrémistes Hutus violemment opposés aux accords de paix qui avaient été signés en août dernier en Tanzanie à Arusha pour mettre fin à la guerre civile interethnique. Parmi les durs de cette fraction, il y a la fameuse garde présidentielle qui semble être la principale responsable des massacres de ces derniers jours. Mais personne ne le sait sur le moment. On s'en rendra compte beaucoup plus tard. Et donc, il apprend à cette trentaine de gars, de militaires rwandais hyper sélectionnés, il va leur apprendre, essayer de leur faire passer tout son savoir. Et il n'est pas tout seul, hein. Ils sont toujours par équipe de deux et ils se succèdent de 4 mois en 4 mois. Donc, il passe 4 mois avec ces gens. Et il rentre en France, mission, et puis arrive 1994, arrive le mois de juin, l'armée française sait qu'il va falloir mettre en place une opération spéciale. Opération spéciale, le mot est très important. Une opération spéciale à vocation humanitaire, globalement, sur 2 mois, c'est ce qui est prédéfini. Et l'état-major cherche des gens qui connaissent déjà le terrain. Et elle cherche dans les unités de l'armée qui composent le premier cercle du COS, du commandement des opérations spéciales. Et dans ce premier cercle, il y a le GIGN. Et donc, le patron du GIGN appelle Thierry Pregnot un jour de, 17 juin ou quelque chose comme ça, 1994, pour lui dire « Thierry, il va y avoir une opération au Burundi. » Ah, on ne disait pas le Rwanda, parce qu'il ne savait pas encore d'où ça partirait exactement. « On aurait besoin de vous. Est-ce que vous êtes partant ?»« Bien sûr, je suis partant. »« Oui, mon colonel. Choisissez-vous un binôme. » Et il choisit son binôme. Et dans les autres unités, par exemple l'EPIGN, escadron parachutiste d'intervention de la gendarmerie nationale, la même chose se passe avec d'autres gens, et au premier RPIMA, et etc., dans tous les régiments qui sont associés au premier cercle du commandement des opérations spéciales. Kigali est toujours à feu et à sang. Si les affrontements militaires entre l'armée rwandaise et le front patriotique ont, semble-t-il, cessé, les massacres des civils, des Tutsis, se poursuivent, surtout dans les quartiers populaires de la ville. L'hôpital central de Kigali est débordé, les équipes chirurgicales sont à bout de force. Un confrère de la radio suisse romande a pu se rendre à l'hôpital, une véritable descente aux enfers. Nous avons constaté qu'il y avait là 400 corps horriblement, abominablement trucidés. Jean-Philippe Seppi. À coups de machette, à coups de balle de fusil, à coups de tournevis, à coups de couteau. 400 corps empilés, la porte de la morgue ne pouvait pas être fermée parce qu'il y avait trop de corps. Et ce matin, nous sommes à nouveau rendus dans cet hôpital. Et la panique est telle que certains blessés, qui ne sont pas encore décédés, sont parfois enterrés avec les morts dans la panique. J'ai réuni un conseil restreint de ministres mercredi dernier. François Mitterrand, président de la République. Qui a chargé M. le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, de rendre compte que la France était prête, sans attendre l'arrivée de la force des Nations Unies, à envoyer avec ceux de ses partenaires européens ou africains, qui le voudraient, une force de protection humanitaire destinée à assurer la sécurité des populations civiles qui ont échappé à l'extermination. Nous en sommes là. Je dois dire que deux ou trois pays africains ont répondu favorablement. J'attends encore les réponses fermes de pays européens. Quoi qu'il en soit, nous le ferons. Je le répète, chaque heure compte. C'est ça qui est assez remarquable, c'est que tout se fait très très vite dans l'urgence. Chaque heure compte. C'est l'urgence absolue, ce sera notre honneur, enfin, ça a l'air d'être l'affaire du siècle, etc. Mais je vous rappelle quoi ? Je vous rappelle qu'on est au 79e jour du génocide, que le 21 avril, c'est-à-dire au 14e jour du génocide, la France, avec les autres pays membres du Conseil de sécurité, a voté le retrait des casques bleus de la MINUAR, du Rwanda. De 2500, ils sont passés à 270. Donc, facteur temps. Mitterrand dit le temps est compté, alors que c'est pas vrai. Alors que ça fait déjà des centaines de milliers de morts. Faut se dépêcher, le temps est compté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que au niveau le plus haut de l'État et de l'armée, puisque rappelons-le, le président de la République est le chef des armées, il y a déjà une désinformation. Chaque heure compte. Mais si chaque heure avait vraiment compté, on serait évidemment intervenu beaucoup plus tôt. Bon, bref, on intervient malgré tout. Entre le 16 juin et le début effectif de Turquoise, il y a une semaine. Alors ça, c'est vrai que c'est remarquablement court. Ça veut dire, et l'armée est très fière, l'armée de l'époque était très fière de ça, d'avoir pu mobiliser toutes ses capacités. Voilà. Ouais. C'est énorme. En plus, c'est la première fois que le COS, créé en 92, après la guerre d'Irak, mène une opération extérieure en formation complète. Donc c'est une expérience, c'est quasiment du travail de laboratoire. Tous les responsables de l'état-major vont avoir les yeux fixés sur Turquoise. Le gars qui va diriger Turquoise, il va se dire « j'ai une responsabilité énorme, il faut absolument que ce soit parfait, il faut qu'on soit irréprochable, etc. » Parce qu'on travaille sous le regard de nos pairs. pas du tout du public, qui n'est pas au courant de tout ça. Donc, c'est vrai qu'en une semaine, ils arrivent à mobiliser. Alors, le COS, c'est pas grand-chose au départ. C'est 220 personnes. Bon, c'est pas n'importe qui. C'est donc les gens du premier cercle. Et ils sont les ouvreurs de portes. Ils sont les premiers à poser le pied sur le sol rwandais. Il y a certainement eu des gens du service action, de la DGSE, qui sont passés avant pour faire du renseignement sous couverture, mais ce n'était pas des interventions militaires, ça n'avait rien à voir. Là, c'était vraiment une intervention militaire, à vocation humanitaire, mais ça, c'était plutôt pour l'opinion, à vocation humanitaire. Et donc, quand tous ces gens arrivent au Rwanda, enfin, ils n'arrivent pas au Rwanda, ils arrivent au Zaïre, qui est le pays frontalier, c'est-à-dire à l'ouest du Rwanda, c'est l'est du Zaïre. C'est un lac qui fait la frontière naturelle, le lac Kivu. Et au nord, vous avez la ville de Goma, célèbre, et au sud, la ville de Bukavu, moins célèbre. Tout ça, c'est côté Zaïre. Et donc, les troupes françaises sont d'abord du COS, hein, 220 personnes seulement, arrivent d'abord à Goma. Pendant 2-3 jours, le temps d'avoir le feu vert de l'ONU, le vote au Conseil de sécurité. Thierry, par exemple, arrive le 19 ou le 20 juin. Le bilan de la guerre civile au Rwanda est terrifiant. Certaines associations humanitaires parlent aujourd'hui de 500 000 morts depuis le début des affrontements, soit plus du double des estimations retenues jusqu'ici. Mais malgré l'urgence, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de reporter au début de la semaine prochaine l'adoption d'une résolution par laquelle la communauté internationale pourrait se donner les moyens de mettre fin à cette tragédie, c'est-à-dire envoyer les 5 500 casques bleus souhaités par le secrétaire général Boutros Boutros-Ghali. Mais plusieurs délégations ont préféré d'abord en savoir un peu plus sur la véritable mission et l'endroit de déploiement précis de ces nouvelles forces internationales, un ajournement qui risque de coûter très cher à la population rwandaise. Et en fait, ils ont le feu vert le 23 au matin. Donc ils passent 3 jours sur un vague tarmac à Goma, à attendre, à se dire mais qu'est-ce qu'on fait, etc. Et puis il y a des balais d'avions de gros porteurs qui acheminent des cargaisons de bouteilles d'eau, de biscuits protéinés, de je sais pas, enfin toute la logistique d'une opération militaire qui, pour l'heure, ne comporte que 220 hommes, mais qui, à terme, est dimensionné pour 2500 hommes. Donc en fait, silence turquoise. Je crois qu'il faut commencer peut-être par dire ça. Le titre de votre ouvrage porte sur les 10 premiers jours de l'opération turquoise. Et donc c'est vrai que j'entre précisément dans le détail de ces 10 jours, parce que ce sont les 10 jours qui posent problème, où il y a eu des cafouillages, où il y a eu des difficultés qui vont s'avérer peut-être très gênantes. De Vulpian, avec vous, nous évoquons le Rwanda cette semaine, grâce notamment à votre ouvrage « Silence turquoise » paru aux éditions Don Quichotte, coécrit avec Thierry Prugnot, engagé, comme vous nous le disiez dans une première partie d'entretien, dans cette opération turquoise. Ils sont environ 200 hommes, ils attendent un ordre des Nations Unies. Vous avez choisi de faire le focus sur ces 10 premiers jours d'opération turquoise, en connaissant particulièrement bien ce dossier auquel vous vous intéressez depuis 10 ans à présent. En quoi ces 10 jours sont-ils particulièrement importants ? Moi, je pars du témoignage de Thierry Prugnot. C'est la première fois qu'on va avoir un témoignage de l'intérieur par un membre du COS qui va accepter de raconter dans le détail ce qui s'est passé. Patrick de Saint-Exupéry a évoqué le journaliste. Quelques difficultés, un problème, un vrai problème, sur lequel moi aussi je me suis centrée, et dont Thierry est un des acteurs. Mais voilà, ces 10 premiers jours forment la matrice d'un dossier judiciaire maintenant. La plainte initiale a été déposée en février 2005, avant que je ne connaisse Thierry, avant que j'ignorais même son existence, auprès du tribunal aux armées de Paris, qui n'existe plus, mais à l'époque c'était la juridiction compétente. Plainte déposée par 6 Rwandais rescapés du génocide, qui attaquaient des militaires français, contre X, donc ils n'étaient pas dénommés, qui servaient dans l'opération turquoise. Et c'était des plaintes formulées d'une manière complètement extraordinaire pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. C'est la première fois qu'on attaquait l'armée ainsi. Le 24 juin 1994, les militaires français sont de retour sur le sol rwandais après plusieurs mois d'absence. L'armée française, entrée dans le pays par le Zaïre, redéploie ses hommes de l'opération turquoise mandatée par les Nations Unies. Depuis le mois d'avril, des massacres sont perpétrés à travers tout le pays. 800 000 Tutsis ainsi que des Hutus modérés sont décimés dans des conditions atroces. La mission turquoise, stabiliser la situation et protéger les populations. Mais les massacres se poursuivent, notamment dans certains camps infiltrés par des tueurs locaux. Les Français sont alors accusés de les avoir laissés passer et même de les avoir aidés. Après l'enquête d'une mission parlementaire qui tente de dégager l'armée française et notamment le commandement des opérations spéciales, le COS, de ces terribles accusations, l'association Survie prend le relais et dépose avec des victimes plainte contre X, une plainte pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité. Les Français vont instituer des camps qui doivent être sécurisés. On a des plaignants qui nous disent que les Ntéramoué, les miliciens, donc Hutus, rentraient, que les forces armées rwandaises rentraient, prélevaient des gens, les interpellaient, les faisaient disparaître, et ça sous le nez des forces françaises qui étaient là précisément pour sécuriser. Sur place, à l'époque, à la tête du COS, le lieutenant-colonel Hogart a une version sensiblement différente. On peut toujours trouver un ou deux Tutsis isolés, cherchant à sortir de ce camp et se faisant agresser à coups de machette par quelques Hutus embusqués, bien sûr. Mais jamais, à aucun moment, l'armée française n'a toléré ce genre d'action sur les zones qu'elle protégeait. Déposée devant le juge du tribunal aux armées, la plainte se verra appliquer le droit commun, a déclaré le ministère de la Défense, un droit commun appliqué sur ce dossier comme sur les autres. Donc, on découvre une plainte. On découvre ensuite, moi je découvre l'interview très très brève, un petit encadré, dans un article du Point, un mois plus tard, un adjudant-chef, ça fait même pas 10 lignes, hein, à peine, dit... C'est terrible, nous avons donné à manger aux tueurs, on nous a fait prendre des vessies pour des lanternes, et finalement on a fait le contraire de ce qu'il aurait fallu faire. Je me dis, un militaire qui dit ça, qui critique l'opération turquoise de l'intérieur, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais vous comprenez ce qu'il veut dire ou pas encore vous-même? Si. Enfin, vous. C'est peut-être. C'est peut-être là que vous comprenez quelque chose. Alors, de toute façon, je savais qu'il y avait un problème. Par le livre de Patrick de Saint-Exupéry, L'Inavouable. Qu'est-ce qui s'est passé dès 1994, alors que nous sommes en plein génocide, alors que l'opération turquoise débute à peine? Patrick de Saint-Exupéry, journaliste. Arrive un monsieur qui s'appelle Paul Baril, l'ancien commandant de la gendarmerie du GIGN. Paul Baril arrive et clame dans les médias « J'ai la boîte noire ». De l'attentat. Sous-entendu, j'ai la clé du génocide. Et c'est une proclamation tonitruante qui est reprise par tous les médias et nous sommes là à un moment clé. L'opération turquoise vient de débuter. Quelques jours plus tard, la grande proclamation se dégonfle totalement. Ça n'était pas une boîte noire. Fin de du premier chapitre de la boîte noire, de l'histoire de la boîte noire. Maintenant, elle va être ressuscitée. C'est incroyable, mais la boîte noire va être littéralement ressuscitée. Elle réapparaît le 10 mars 2004. Nous sommes à quelques semaines des commémorations du 10e anniversaire du génocide. C'est une date importante, le 7 avril 2004. Le 10 mars 2004, dans des articles publiés dans la presse française, la boîte noire réapparaît. Elle réapparaît d'une manière spectaculaire, puisque un journaliste, Stephen Smith, affirme sur fuite, et c'est mentionné dans son papier du juge Bruguière, qui lui multiplie encore les accusations, que la boîte noire qui pourrait livrer les clés de l'attentat se trouve sur une étagère à l'ONU depuis 10 ans. Scandale, que fait l'ONU? Mise en accusation très directe à travers de propos de Bruguière et du journaliste de l'ONU, accusé d'incompétence, de vouloir masquer les révélations que pourrait contenir la boîte noire, de faire obstruction à l'enquête, etc. Et tout est balayé, puisqu'on ne parle plus que de ça, la boîte noire devient renforcée. C'est formidable. À nouveau, pour la deuxième fois, une dizaine de jours plus tard, l'ONU, qui est d'abord un peu paniquée par cette vague qui déboule, retrouve la boîte noire, qui effectivement est sur une étagère dans son siège à New York, fait un travail et puis conclut très rapidement que non, c'est pas une vraie boîte noire, enfin, il n'y a pas de lien. Ça s'arrête là. Fin du deuxième chapitre de l'histoire. Maintenant, il a un troisième chapitre, qui lui est stupéfiant. C'est que cette boîte noire, Bruguière a lancé ce ballon d'essai dans la presse, et puis il est bien obligé de travailler, parce qu'une fois que c'est lancé, il faut aller jusqu'au bout. Donc il continue le travail. Et là, je l'ai découvert en lisant l'instruction, que constate-t-il? D'abord, Dassault confirme sur PV qu'il n'y a jamais eu de boîte noire dans le Falcon. Premier point. Deuxième point, la boîte noire retrouvée à Kigali est celle d'un Concorde. D'un Concorde. Troisième point, l'ONU découvre cette boîte noire, de mémoire, le 27 mai 1994, c'est-à-dire 2 mois après le début du génocide, alors que les lieux ont été libérés d'accès le 21 mai 1994, la mission militaire de coopération au Rwanda ayant eu accès sur les lieux pour enquête ordonnée par Paris dès le soir du 6 avril, 7 heures après l'attentat. Comment une boîte noire de Concorde peut-elle se trouver posée sur l'herbe à Kigali après l'attentat? Par quelle étrange conjonction? Moi, c'est des constats tout simples. Je constate que n'importe qui n'a pas accès à une boîte noire de Concorde, qu'il n'est pas donné à n'importe qui de déposer une boîte noire de Concorde, éventuellement récupérée, dans l'herbe à Kigali, alors que la ville est à feu et à sang après un attentat. Qu'il n'est pas non plus donné à n'importe qui de suivre le cheminement de cette boîte noire jusqu'à identifier l'endroit où elle va être. Qu'il n'est pas encore donné à n'importe qui de faire un montage sur cette boîte noire, parce qu'on va trouver des bandes qui correspondront à un échange entre un avion sur la piste et la tour de contrôle. Qu'il n'est pas donné à n'importe qui de faire ce montage. Et qu'il a encore moins donné à n'importe qui de faire fuiter l'information au bon moment, c'est-à-dire au moment où il conviendra de créer le trouble. Et toutes ces questions-là, c'est quand même des questions évidentes, et c'est stupéfiant parce que nous sommes dans une logique de pur montage. Demain, suite de l'entretien auprès de Laure de Vulpian, auteur de Silence turquoise, Rwanda 1992-1994, responsabilité de l'État français dans le génocide des Tutsis. Un entretien déjà diffusé en mars 2014, une nouvelle réalisation signée Jean-Philippe Zwalen. Une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Jean-Philippe Zwalen, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker.